Salut tout le monde, c'est le Big Ben. Antithèse. Juste un gamer. Marilyn. Testeur Alpha. Arcade Retro. Et Cara. Pour le podcast des Acros, nous sommes l'édition du 4 mars 2014. Salut tout le monde, comment ça va? Ça c'est va, bon. À part c'est que podcast, je suis donc ça va. Nerveusement. Alpha. Ouais, je disais que ça allait bien, à part que j'ai encore scrappé l'intro de. Du podcast, là. C'est pas grave. C'est pas grave. On va le savoir un peu plus tard pourquoi. C'est ça, ça a été coupé au montage. Dis-toi ça, c'est la magie du montage audio. Mais pas sûr pour qu'ils nous écoutent live. Là. Non, mais c'est pas grave. C'est la magie. Ça vient d'être passé. C'est plus là. Bon, ben, arrêtons d'en parler parce que le monde va se demander qu'est-ce qu'on fait. Effectivement, bienvenue au podcast des amoureux de la nature où on boit et on parle d'une plante en particulier. Allez, alors, aujourd'hui, on parle de l'orchide. Tu bois, moi je bois pas. Non, c'est correct. Mais on a un invité ce soir avec nous, c'est Sébastien Trottier de ActualitéDVD.com qui va nous parler d'un événement spécial qui va préparer bientôt. Salut Sébastien. Bonjour toute la gang. Alors écoute Sébastien, toi tu as décidé vraiment de te donner volontairement un 24 heures pour l'hôpital de Saint-Eustache, c'est bien ça? Pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi je fais ça? À la base, j'ai pensé à faire cet événement-là suite à l'Extra Life que quand même beaucoup de monde ont parlé durant l'automne dernier. Mm-hmm. Donc, j'ai décidé de faire un événement semblable, mais dérivé en ajoutant la partie cinéma. OK. Et tout ça, c'est j'ai décidé de faire ça pour l'hôpital Saint-Eustache à cause que l'année passée, l'année 2013, a été quand même une grosse année au niveau de pour moi puis pour ma femme. Mm-hmm. Puisque ma femme a eu un diagnostic d'insuffisance cardiaque en début d'année 2013. OK. Et qu'est-ce qui est arrivé également, c'est que en avril 2013, elle a fait un arrêt cardiaque, cliniquement morte. C'est arrivé durant la nuit, donc j'ai été chanceux, je me suis réveillé à temps, j'ai réussi à faire les manœuvres d'urgence en ayant le 911 au téléphone puis qui me disait exactement quoi faire jusqu'à temps que les ambulanciers arrivent. Ok. Donc puis suite à ça, mais elle était à l'hôpital. Une semaine dans un coma artificiel pour éviter qu'il y ait trop de séquelles et que tout se passe bien justement pour sa réhabilitation. OK. Donc, il y a eu de très bons soins à l'hôpital et tout, et pour, justement pour les remercier, chercher une manière. Puis, OK. Ça serait une bonne idée de faire un événement 24 heures, un mélange de mes deux passions, de le cinéma et puis le jeu vidéo. OK. Fait que là, ta femme, elle va-tu beaucoup mieux? Je pense qu'il va y avoir des fans qui vont se demander si elle va bien. Oui, elle va mieux. L'année passée, quand elle a eu son diagnostic, son cœur fonctionnait à 10%. OK. Et maintenant, il est entre, on pense, à peu près entre 20 et 25%. OK. On ne sait pas. Comment va être l'avenir? Est-ce qu'elle va rester à ce niveau-là le reste de sa vie? On ne sait pas encore. OK. Fait que là, tu vas donner 24 heures le 12 avril, c'est bien ça. Tu commences à quoi, 9 heures, je pense, le soir? Mais officiellement, je vais commencer le vendredi, le 11 avril à 21h le soir. OK. Jusqu'à 21h le samedi, le 12. OK. Puis, qu'est-ce qu'on peut s'attendre durant ces 24 heures-là? Je vais regarder des films, je vais essayer de jouer à des jeux vidéo, peut-être faire des parties en ligne avec certaines personnes qui vont vouloir embarquer avec moi. Mm-hmm. Ouais, l'événement en fait, il va avoir lieu chez moi. Je vais être seul arrêté chez moi, puis je vais essayer de à part les films et les jeux vidéo, je vais aussi essayer d'avoir des entrevues avec des personnes, exemple, peut-être avec les membres de votre équipe. On pourrait mm-hmm. peut-être justement faire discuter à une heure précise, peut-être pas un petit peu comme qu'on fait là. sais, tu m'en as parlé pour le vendredi. Fait que probablement, je vais être là pour l'heure qu'on s'était fixé. Je pense que c'était minuit. Oui. Fait que oui, je vais être là. Puis probablement que c'est selon la disponibilité des autres, ils vont probablement s'offrir. Il n'y aura pas de problème avec ça. Et tu fais également un tirage. Ben oui, je vais faire plusieurs tirages. J'ai contacté différents distributeurs au niveau des pour le cinéma. Donc j'ai actuellement le distributeur LOL Distribution qui est beaucoup dédié au dessin animé de notre jeunesse. Mm-hmm. Comme les Cités d'Or, je sais qu'il me parlait qu'il va me donner un coffret des Cités d'Or. Je vais aussi avoir probablement peut-être un coffret d'Astérix, je suis pas certain. Okay. Ensuite, je vais aussi la distributeur VVS Films. J'ai reçu déjà les films. Il y en a peut-être une vingtaine de titres qui m'ont offert. Donc, ensuite, j'ai aussi Paramount, j'ai Sony, j'ai Disney qui est embarqué également. Ça, c'est au niveau des DVD. Et il y a également même Nintendo Canada qui ont été très généreux. Et qui m'offre une Wii U. Probablement, ça devrait être l'édition de luxe avec Mario. Ainsi que le jeu Donkey Kong Country Tropical Freeze, qui va être offert parmi ceux qui vont faire des dons justement D'accord. pour mon événement. Et ton objectif, c'est de combien? J'aimerais peut-être atteindre 1000$. Je sais pas si c'est réalisable. On verra, vu que c'est la première fois que je fais ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais j'espère que... J'essaie d'en parler le plus possible pour que ça soit justement ouvert à tous et que tout le monde puisse le savoir et qu'il puisse m'aider et m'encourager dans mon événement. Ben, il n'y a pas de problème. Alors, écoute, tu peux... Tu peux te fier à ce que moi je vais être présent pour le vendredi et probablement que j'invite tous les accros qui ça peut leur toucher de venir supporter ton événement. Probablement que je vais faire la publication également sur le Facebook et le Twitter des accros des jeux. Alors inquiète-toi pas, les accros des jeux vont supporter ta cause pour ton 24 heures. C'est bien gentil. J'ai même sur mon site actualité-dvd.com. J'ai une page dédiée à mon événement. Vous pouvez lire un petit peu qu'est-ce qui est arrivé à moi et à ma conjointe l'année passée. On peut voir la liste des prix qui sont là. On peut même également, il y a un lien direct si on veut effectuer des dons. La page est déjà prête pour ceux qui veulent prendre l'avance puis donner des dons. Donc, tout ça, c'est prêt déjà sur ma page web. Ben, merci beaucoup, Sébastien. Alors, je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et on se reparle prochainement. Parfait. Salut, Sébastien. Bye-bye. Bye. Salut. Au revoir. Hi. Salut. Bye-bye. Alors, avant toute chose, il faut quand même aussi prendre le temps de souligner l'importance d'un magasin spécialisé. Jog, je te laisse faire la pub. Avez-vous un magasin où vous pouvez faire confiance aux vendeurs? Est-ce qu'il y a un magasin qui a de la marchandise de qualité, nettoyée, propre? Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Mais à Québec, c'est chez Jeux Rétro Revo qu'il faut aller. Pour les collectionneurs et gamers, c'est là que vous allez trouver les meilleurs jeux disponibles à meilleur prix. C'est quoi l'adresse? C'est sur le boulevard Wilfrid Hamel, 744, si je me trompe pas. Puis c'est qui? Et c'est Jeux Rétro Revo. C'est qui? C'est Jeux Rétro Revo. C'est qui? Man, donnes-tu au moins un pourcentage sur tes jeux, j'espère? Ça reste entre moi et le vendeur. D'accord. Alors, je voulais vous demander votre semaine, comment ça s'est passé? Aïe, super. Qu'est-ce que vous avez fait? À rien. J'ai pas eu le temps de jouer, malheureusement. J'ai pas eu le temps de jouer. J'ai joué aux mêmes affaires que la semaine passée. Travailler sur des reviews futures, un article. En train de finir le jeu obscur qui est Endless Frontier pour ma part. Mario Party 8. C'est pas Mario Bros. Oui. Des petites affaires le fun de même. Ok. un petit chanceux. Très sympathique. Toi, qu'est-ce que t'as fait, Ben? Ouais. Moi, de mon côté, ça a été beaucoup de World of Warcraft. Oh, ouais. Marie-Lune, elle fait comme... Des recommandations. Hey, Spawn! Ouais, j'ai redécouvert le plaisir de faire des donjons et de refaire des raids. Mais sinon, j'ai eu le temps de jouer un petit peu. J'ai joué beaucoup plus à ma 3DS cette semaine. Beaucoup de Pokémon Y que j'ai vraiment aimé. Et sinon, en fin de semaine, Marilyn et moi, on s'est tapé une grosse fin de semaine de Big Bang Theory. On s'est tapé deux CD sur trois d'un coffret complet. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Alors. C'est quoi ça, en fait? Ceux qui pas comme moi. C'est un mouton pour te dire je t'ai cassé. C'est ça. Sauf qu'il dit Bazinga. Ou je t'ai eu, je t'ai fait une joke. Mais j'aime mieux en anglais qu'en français. En français, c'est quoi, c'est? Ah, je t'ai eu. Non, je t'ai eu. T'es cassé! J'ai jamais écouté Big Bang Theory en français, ça a pas l'air débile. Non, parce que c'est une traduction française de Paris. Oh shit. Ok, c'est même pas français international. Non, c'est vraiment du français de France parisien. T'as un accent parisien. Alors, fait que tu sais, c'est. T'écoutes ça, pis des jokes, tu sais, c'est localement situé en France. Mais des fois, ils font des traductions anglaises. Ils mettent ça en français, le français de France, avec extrêmement des personnages. Bizarre. Ouais, extrêmement bizarre, puis la joke, elle se perd. Ben, nous autres, on l'écoute dans le coffret DVD avec des sous-titres français, puis on comprend tout bien, parce que les sous-titres sont canadiens et québécois. Ouais, puis anyway, les sous-titres sont plus là pour aider, tu sais, veux dire, tu comprends quand même ce qu'ils disent. Là. C'est ça. Exactement. Fait que, non, c'est ça, ça a été mon gros plaisir en fin de semaine d'avoir fait ça avec Marie, puis on a eu beaucoup de plaisir. C'est très important. On va aller voir les fans qui nous jasent présentement sur YouTube live. Alors, Vitendo qui dit fièrement jeu rétro révo. Alors, jeu rétro révo. Jeu rétro révo. Kenny Machine de jeu rétro révo. On adore ce magasin-là. Hein? Ah oui, il n'a pas voulu n'y a jamais été. Encore. Un jour, on sera à Québec. On sera à Québec du 6 au 7 juillet. En on sera au Québec et on ira visiter le Valhalla. Oui, on va se prendre une shop d'hydromel. Et Alpha et moi allons faire un concours de savoir c'est qui boit le plus d'hydromel avant de tomber dans les pommes. Non, non, tu vas le faire tout seul ton concours, mon gars. On va te mettre sur YouTube. Ouais, mais je suis déçu. Je pensais que tu avais des ancêtres norvégiens de ton côté. Non. Tu ressembles un petit peu à... Non. Je trouve qu'il y a des ressemblances un petit peu à Kylian, le gars qui fait Thor. Ben oui, justement. Fait que ça devrait fitter. Ben oui. Je suis sûr que sur ton chandail, là, ça doit être hyper musclé. Là. Et poilu. Et adore. On peut aussi changer de sujet, tu sais. Oui, bien sûr. fait que... Moi, je voulais savoir, voulez-vous commencer avec les nouvelles ou voulez-vous commencer avec le sujet? Les nouvelles, d'habitude. Ouais, on commence par les nouvelles. C'est toujours ça qu'on a fait, donc on va continuer ainsi. Ok, de toute façon, j'ai très peu de nouvelles cette semaine, fait que ça va se faire très rapidement, inquiétez-vous pas. Non. Je dis bien rapidement aussi pour Marilyn, parce que je sais qu'elle doit quitter tôt ce soir. Fait que, on va faire ça vite. Avez-vous vu la bande-annonce du nouveau Batman? Oui. Arkham Knight, non. Pas encore. Pas encore, hein. Je voulais le voir, mais pas encore, mais j'ai vu la réaction de tous mes amis Facebook, puis avoir leur réaction, ça a l'air complètement là. Il y en a qui sont enlevés à vie. Ben oui. Il y en a qui ont tellement jeezé leur pens fort que mon écran était mouillé. C'est quoi d'ailleurs pour mettre ton écran toi? Ah oui, c'était dégueulasse. Il y avait des coulisses dans ton écran. Ouais. La seule phrase que j'ai en tête en ce moment, c'est « Tu sens une coulisse qui te coule le long de la cuisse. » Ah! Fais un nice check, tu te réveilles pas. Ça doit faire mal, ça. C'est pas, tu veux essayer? Mon seigneur! PL, t'as pas vu cette vidéo-là? Caroline, ça te manque à ta culture. Écoute, moi j'ai vu Two Girls, One Cup. Fait que non, je vais pas le voir non plus. Là. Attends, est-ce que ta blonde va t'autoriser à regarder ça? J'ai pas besoin pour quoi que ce soit. Es-tu en train de parler de tout ça pour de vrai, là? C'est Antithèse qui a amené ça ici. C'est certainement pas Kara, c'est certainement pas Marie-Lune. Lui, il pense que Faradar, c'est Two Girls, One Cup. Donc, ça va bien, les filles, hein? Donc, vous avez tous vu Two Girls, One Cup? Non, je sais pas si c'est non. Quand tombé dans le panier. On change de sujet parce que notre podcast, il y a quand même du monde en bas de 18 ans qui écoute ça. Ouais, là, c'est ça, là. Ouais. Rapidement, juste pour vous dire, c'est ça, il y a une nouvelle bande-annonce qui est sortie du nouveau Batman. Vous avez un gros 3 minutes et demie où on entend parler le père de Bruce Wayne y parler. Et c'est tout simplement magique. Je trouve ça vraiment cool. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller le voir, allez le voir. Si vous nous écoutez en différé, mettez sur pause et allez checker ça. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Autre chose. Ben écoutez, mauvaise nouvelle pour les fans de Shenmue. Sega a perdu la licence de Shenmue. Ah mais ils l'ont perdu, mais c'est quelqu'un qui l'a acheté? Ça, c'est ça qui est pas clair. C'est pas vraiment. Qu'ils l'ont perdu, mais quelqu'un se l'est approprié. Ouais, mais ça, les détails sont un peu sketchy. Puis on peut pas arrêter de dire que c'est Atlus qui ont acheté Shenmue parce qu'à cette heure, Atlus appartient à Sega. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est en gros, grosso modo, c'est que surtout depuis le temps qu'ils prennent de faire Shenmue 3, ben là, ça, on va encore entendre un méchant bout parce que la licence est dans les limbes. Ah, il va arriver qu'un jour quelqu'un va l'acheter puis qu'on va pouvoir jouer quand je vais avoir 40 ans. Là. Oh. Ouais. C'est triste. Fait que c'est pour ça, en fait. Autre nouvelle, vous allez avoir, lorsque vous allez acheter votre copie de Mario Kart 8, vous pourrez obtenir également un nouveau volant. Un nouveau volant? Et un tour? Pour ta Wiimote, mon cher. Toi, je savais pas que tu aimais jouer à Mario Kart sur la 20, mais tu viens me l'apprendre. Ouais, je lance des carapaces de tortue. Des pots de banane. Ouais, c'est ça, le monde me regarde. Tu lances des pures de banane dans les windshields des autres. Ouais, c'est ça, j'ai eu une amende à cause de ça. Il a bien ri, mais j'ai eu une amende de 650 pièces. Surtout quand c'était le char de police que t'as visé. C'est ça. Mon espèce. Grand Theft Auto meet Mario Kart. Grand Theft Mario Kart. The game. Mais avez-vous vu la parodie de Robot Chicken où est-ce qu'il mettait, il fusionnait Mario Kart et Grand Theft Auto? Non, mais c'est tellement leur style de faire de même. Fait que ça devait être épique en fait. Fait que tu vois Mario arriver dans la ville, pis comme, hey, j'ai besoin d'un mushroom! Et un gars, il dit, ah, oh, j'en ai un site. Il commence à le manger, il commence à flyer en maudit, comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il devient genre à la fin un gangster de Liberty City, c'est comme. Ça va bien, Kara, tu décroches pas, là. Non, ça va, je suis encore là. Pas trop désespéré de nous autres encore, là. Non, pas encore. Bon, c'est bon. Autre nouvelle, ben il y a, vous connaissez Electronic Arts? Ouais. Malheureusement, oui. Qui ne connaît pas Electronic Arts? Vous savez qu'Electronic Arts adore faire de l'argent avec n'importe quelle idée possible. Il adore faire chez le peuple aussi, oui. Alors, Electronic Arts commence à envisager de recréer la trilogie, mais de ressortir la trilogie Mass Effect sur PlayStation 4 et Xbox One. Quoi, remasteriser? Remasterisé avec un affichage 1080p, 60 images secondes. Oui, hein, c'est ça. Il veut mon 400$. Hein. Mais non, moi, ce que je trouve le plus bizarre dans cette histoire-là, c'est de voir, mettons, tu sais, tu joues à Mass Effect, puis tu sais que tu vas avoir des bugs visuels partout. OK? juste dans les cutscenes, t'envoies, mettons, le bonhomme, il jase il est en face d'un l'autre, puis à un moment donné, l'autre va se tourner à 180 degrés sans sauver. Aucune fucking raison. Fait que Manhunter, tu vas jouer ça en PlayStation 4, où est-ce qu'il va avoir le même problème, où, nowhere, à un moment donné, le gars va se ramasser dans le sol, à un moment donné, le gars va commencer à voler. C'est sûr et certain. Mais c'est-tu comme les trois individuels ou il va faire comme un package deal, genre HD Edition? Probablement, ça va être un HD Edition, les trois ensemble. Comme moi, j'ai reçu un cadeau l'année passée de ma chère Marie, qui m'a offert le coffret sur PlayStation 3. Probablement, ça va être la même affaire. Oublie ça, mon gars. Quand t'as les trois Mass Effect en même temps, là, t'as plus de vie. J'ai pas eu de vie, Marie? Trop? T'as une grande barbe de Gandalf, là, c'est ça? Ouais, il s'est ancré dans son divan, je pense. Ouais, mais compte pas, hein. J'ai envie, tu sais, les gars de Belle qui viennent cogner à ta porte pour te vendre des forfaits, là. J'aimerais ça y arriver et dire You shall not pass! Dans cette face. Les gars de Belle cognent à ta porte, toi. Ben oui, à Montréal, ils aiment ça, faire du porte-à-porte. C'est pas mal partout, ouais. Hein. Si, bolac, j'ai jamais eu ça chez nous, pis t'as dit que si j'en vois un, je vais sortir mon vieux 12 qui traîne dans ma cave, tu vas voir qu'il reviendra plus. Alors, ton balai, vu qu'il est un concierge hors pair. Et voilà. Un bon coup de mop, là, entre les deux jambes, il reviendra plus. Oublie pas ta bouteille de Windex également pour l'asperger dans le visage. Ouf, ouais, mais ça c'est assez doux le Windex. Là. Donc, d'un yeux, aveuglement, coup de canne entre les deux jambes. Finalement, Tester Alpha est un maître dans l'art du concierge fou. C'est un art martial, là. Il y a une discipline. Il est genre ceinture noire de conciergerie. Il y a un toujou, puis là, ses armes, c'est la vadrouille, c'est les deux affaires de Windex, le même. On va se programmer un jeu vidéo Alpha, ça va être Alpha et sa conciergerie. Oui. Alpha la bras. C'est genre des tournevis que tu lances, tu pitches des écrous par terre pour les ennemis en arrière qui tombent. Là, tu peux marcher, mais là, tu peux te cacher dans les closettes, genre en trois dimensions, comme dans Stu Blackthorn. Genre, tu te caches dans les trous, là, pis ça va être génial. Alpha pour les Olympiques de 2016. Ben oui. Testeur concierge. Faut juste être le gars qui balaye au curling. Aujourd'hui, on teste ce type de mop. Oui, je veux juste voir ça un jour dans ma vie, Tester Alpha, tu fais une critique de mop. Une critique de mop. Ah, ça va pas pire. Ou tous les types de Windex qui existent. Ça va être 20 minutes assez pertinent, ça. Non, mais tu peux analyser les vis, les modèles, le bois, tu sais, l'aérodynamisme. Le planchodynamisme. RTL. Tu peux dedans, tu peux essayer les Swiffer, tu peux nettoyer la maison de toutes les autres accros, puis tester les affaires en même temps. Ben oui, hein? C'est une très bonne idée. Ben, ça va donner motivation à tout le monde d'aller voir chez Sylvain d'abord. Puis chez Kara aussi. Kara, elle habite loin du tout, là. Yes. Voyager longtemps. Je comprends pas la joke. Moi, mais... non, je la comprends. Tester Alpha qui va monter chez Sylvain et chez Kara. Ouais. Pour faire du ménage. Ouais, pourquoi? Parce que ça vaudrait la peine de savoir que Tester va voyager des heures et des heures de plaisir chez ses amis. Oui. Okay. Ceci étant dit. Ouais, on enchaîne. On enchaîne dans les podcasts des accros. Moi, c'est ma dernière nouvelle que j'ai ici. Je sais pas si t'en as, toi, Antithèse, de ton côté. Est-ce que c'est pertinent que je mentionne la hausse des prix des jeux? Quels jeux? Tous les jeux ont monté de prix. Tous les nouveaux jeux vont monter de prix à partir de une semaine. Mais non, ça part. Le PDF coûte maintenant 45$ avant taxe, au lieu de coûter 45$ avec taxe. Et pour les nouvelles générations ou en même de PS3 et Xbox 360 vont coûter 65$ sans taxe. Attends, South Park il est 65$, il me semble que non, là. Yes, sir! Moi j'ai vu Lord of Shadows 2 à 65. Actuellement, t'as des PDF encore Lord of Shadows que tu veux trouver pour 60$, mais t'en es un qui a eu la chance de pouvoir s'échapper. Exemple, EB Game le vend à 65$, mais Microplay le vend à 60$. Ouais, mais ça, là, c'est l'inflation puis l'indexation au coût de la vie, là. On devrait faire une grève, là. On va appeler ça le printemps jeu vidéo, là. Puis on aura juste à s'arranger avec Pauline pour qu'elle nous fasse une indexation sur 14 ans. Fait que là, tous nos jeux vont être corrects. C'est un bon deal, ça. C'est un bon deal. On va brûler IA Montréal, puis on va tout brûler. Ah oh oui, ça, je le fais gratuitement. Quand tu ouais, mais je regarde par exemple Mario Kart U en ce moment, là, sur Future Shop, là, il est 69,99. Ah, ça commence à y... Ah ouais, là, c'est cher. Là, c'est pas mal plus que l'inflation. Ça, l'ouverture du topic, c'est le fait que là, il commence à avoir vu, puis le vendeur, quand c'est gratuit, il devrait être une histoire, bien entendu! C'est parce que supposément que vu que l'économie va pas si bien, là, ils vont monter le prix pour les jeux pour pouvoir rentrer dans leur argent. Mais ça veut également dire que quand tu vas échanger ton jeu, parce que c'est EB Game puis les Microplay, cette attente-là, ils veulent survivre, ben c'est avec les usagers, on s'entend. C'est de la bullshit, man. C'est pas, je sais pas, là, en augmentant le prix, si tu baisses ton nombre d'acheteurs potentiels, c'est ça. Limite. Tu sais, c'est quoi l'affaire? Je sais pas. Le pire, c'est que le distributeur garde la même cote. Admettons, le magasin XYZ garde la même cote. Celui qui va publish va faire sa même cote. En fait, il y a quelqu'un là-dedans qui se graisse la patte. C'est ça, c'est plus d'argent qui était là. Il en faisait déjà avant. Mais je veux dire, c'est pas le magasin où tu vas l'acheter qui en fait plus. C'est pas lui qui rajoute le 5$ additionnel, là. Non, je comprends. Mais le résultat demeure que c'est ceux qui achètent qui copent de oui, oui, c'est ça, mais c'est ça, je veux dire, c'est ceux qui. On a-tu besoin de 5$? Parce qu'après le 5$, ça va être 10$, puis des jeux à 80$, ça. Là, ça me tente pas d'acheter ça. Dans le temps, par exemple. Le temps, c'est que les jeux coûtaient 80$, mais c'est justement, il y a une baisse de prix. Pourquoi? Il y a une baisse de prix parce que ça se vendait pas à 80$. Non, mais dans le temps, on avait bien plus d'argent, là, c'était pas pareil, là, on avait comme des taux d'intérêt, genre 20%, là, des affaires de même, d'hypothèque, fait que tu pouvais payer un jeu à 90$, mais maintenant, tu peux pas, man. Non. Ouais, limite, ça m'affecte pas énormément. Là. Je sais pas pour vous autres, étant donné que je suis pas mal dans le rétro, là, les jeux neufs, là, c'est bien rare que j'achète ça. Ben, South Park, Sick of Truth, Castlevania Solid, Lords of Metal Gear 2. Ben oui, toi t'es là, mais moi je les ai pas achetés, mais je préfère pas l'acheter à sa sortie. Il y a une trolley là, qui mérite d'être achetée. Les autres aussi, ont été augmentés à chacun. Je comprends, mais moi j'économise puis je m'achète les bonnes vieilles bombes rétro que je collectionne. C'est de même que je fonctionne. Correct, ça. On a Kelly Machine qui dit que, pour, vu que lui veut pas, lui, il y a le magasin Jeux Rétro Revo. Il dit que c'est le dollar US qui a monté et la hausse du prix du pétrole. Ben oui, mais ça, le dollar US, ouais, c'est vrai qu'il a monté. Hey man, ça c'est un prétexte. Là. J'achetais la pizza, man, d'une pizzeria X, puis le gars, quand le gaz a monté, il me surchargeait 2 ou 3$ juste à cause que le gaz a monté. Ouais. Mais son prix a monté, mais il n'a jamais redescendu quand c'est revenu à la baisse. C'est un prétexte. Exactement. Ça, c'est international. Là. Le prix du pétrole augmente, j'augmente mon prix, mais oui, OK. Ben, je vais vendre mon salaire il augmente pas, lui. Puis le pire, c'est que on regarde, je suis sûr que les prix en vente en ligne, là, mettons, si tu achètes le jeu sur le magasin en ligne, mettons Nintendo, PlayStation, il va être le même prix qu'en magasin. Ben, mais il n'y a même pas de pétrole, là. Tick of Truth, il est 60$. 59,99$ si tu l'achètes online sur le. C'est du vol online, là, sérieux, là. C'est du gros vol, oui. Ouais. Je veux dire, comment, là? L'une des raisons pour lesquelles tu charges ce prix-là, c'est surtout pour le packaging, puis le marketing, puis le transport, puis des affaires de même. Là, tu ne charges pas le même prix en ligne. Tu as des copies à l'infini. Là. Tu gères des clés. Tu sais, il y a un vieux là-dessus que c'est ça qui est chiant. C'est que tu as un prix. Là, OK, si tu me proposes quelque chose, je comprends pour les arbres, le papier, puis tout ça. Tu baisses le prix, quelque chose de justifiable. Tu enlèves ce coût-là. Pour que toi, t'aies pas à faire, exemple, de la pollution et tout, ça te sauve de l'argent, et moi aussi. Fait que tout le monde en bénéficie. Mais là, dans le fond, ils font juste, c'est. Il n'y a rien de ça, là. C'est juste un prétexte. Un prétexte pour mettre plus d'argent dans les poches, puis ça, je trouve ça plat. Ben d'accord. Moi, ma dernière nouvelle de mon côté ici, Nintendo qui ont décidé de fermer le Wi-Fi Connection. Ceux qui savent pas c'est quoi le Wi-Fi Connection, c'est le jeu en ligne pour la Wii, la DS et la DSi qui va être fermé à partir du 20 mai 2014. C'est vrai. La seule chose qui va rester accessible encore sur la Wii, ben ça va être le magasin. On s'entend pourquoi. Évidemment que le magasin de la Wii va rester encore ouvert et la vidéo sur demande et le DSi Shop va être également disponible sur le pour la console. Dans le fond, équivalent de. Ouais, c'est ça. La part des titres la part des titres de DSi sont sur ben DSi. De jeux téléchargeables, les tests sont sur la Nintendo eShop. Fait que je vais juste ça reste intact. Puis t'as le magasin de la Wii sur la Wii U en plus. Fait que je verrais mal Nintendo fermer ça. Puis d'aller couper la plupart des jeux disponibles que tu peux avoir sur ta Wii U, tu sais, là. Non, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Ça va être bientôt fermé. Donc, si vous voulez jouer une petite game de Mario Kart sur DS avant que ça ferme, c'est là le moment. Il te restait-tu des nouvelles de ton côté, Antithèse? Non, monsieur. Alors, C'est pas mal tout. C'est pas mal les deux nouvelles que j'avais annoncées. C'était calme cette semaine, hein? Ah oui, c'est très calme côté nouvelles cette semaine. Mais c'est le calme avant la tempête, parce que là, apparemment, au mois de mars, c'est une trollée de bons jeux qui sort. Ben, ils vont probablement avoir des nouvelles aussi, des rumeurs, avec le E3 qui va s'en venir au mois de mai. On va s'attendre à tout, en tout cas. Fait que, écoute, Alpha, je pense que tu dois nous quitter. Je peux encore rester un bout, là, au pire, je vous quitterai, style à 9,5, là, max, mais, ouais, je peux rester, là. D'accord. Si vous avez de la place pour moi. Ben oui, on a de la place. Bien sûr. J'ai juste fait ton vidéo sur les mops. Batince. T'es pas obligé de dire une date, ça peut être dans 5 ans aussi. Ouais. Dans 10 ans, et cours après, ton vidéo c'est mop. Je vais être à la retraite quasiment sénile. Ils vont tous venir courir après moi. Ton vidéo, ton vidéo, c'est mop! Non, mais imaginez-vous, là, nous autres, dans 50 ans, là, lorsqu'on va tous ramasser à la maison de retraite, genre, mettons qu'une personne qui t'arrête. Hey, je te connais, toi! Je te connais, toi! T'es le joueur du grenier! Oui, oui, c'est ça, oui. Non, t'es le gars avec les barniques! Quel gars avec les barniques? LE gars avec les barniques! Ah, si tu le dis! Fait que, on va embarquer dans le sujet du jour, qui est aujourd'hui les personnages féminins du monde du jeu vidéo. Et par la balance, on va également parler des filles dans le monde du jeu vidéo. Et là, je pense que je vais donner la parole à Kara, parce que Kara n'a pas beaucoup parlé encore. Fait que là, on va lui donner la chance de parler avec nous autres. Écoute, Kara, la première fois que je t'ai remarqué sur Internet, tu avais fait un article sur les gamers, finalement. Je sais pas si tu voudrais peut-être nous le résumer rapidement, si tu t'en rappelles un peu de tes propos que tu nous avais t'avais indiqué. Rappeler, je dirais que c'est déjà une bonne épreuve, parce que je peux dire que, mettons, un jeu que j'aurais joué aujourd'hui me rappellerait pas l'histoire. Fait que... mais... c'est correct, regarde, c'est comme si je te mettais ton initiation là, en ce moment, là. Inquiète-toi pas, moi je me souviens même pas ce que j'ai fait hier, fait que... Tu m'opais. Probablement, oui. Mop, je pense. Ça se peut, oui. Mais écoute, Kara, de ton expérience de geekette, finalement, comment tu le trouves en ce moment, l'univers féminin dans le monde du jeu vidéo? Ben, déjà là, je trouve qu'il y en a peut-être pas assez, mais en même temps, je sais pas si... si ça serait une bonne chose qu'il y en ait plus à cause de la façon qu'ils sont traités d'une certaine façon, là. Soit qu'ils sont comme tout le temps demoiselles en détresse, là, ou qu'ils essayent de les faire un peu badass, mais qu'ils ont quasiment aucun linge sur le dos, je sais pas trop, là, mais je sais qu'ils ont commencé à en faire de plus en plus, là, avec les jeux, c'était quoi le jeu l'année passée avec Beyond Two Souls, je pense, le genre de même. Ben, il commence à avoir plus de jeux avec des filles dedans comme personnage principal, comme protagoniste, là, mais mm-hmm. Disons que peut-être que le niveau n'est pas encore rendu bien ben haut de ce niveau-là pour l'instant. Parce qu'ils ont tendance à, tu trouves qu'ils ont tendance à, très, à sexualiser les personnages, finalement. Ben ouais, parce que de toute façon, le public général, c'est des gars. Fait que j'imagine que c'est les gars qui veulent ça, puis ça les attire peut-être plus. Parce que je sais pas si, mettons, un personnage féminin, pour certains gars, qu'elle a comme, disons, elle est peut-être pas dans le standard de la beauté, là, puis que c'est le personnage principal. Je sais qu'il y a sûrement certains gars qui iront pas vers ce jeu-là, peut-être, juste à cause de ça, parce que c'est une fille, puis que probablement, ils ont plus focusé dans le jeu sur ses émotions à elle que sur les actions. Parce que je sais pas trop comment expliquer ça, là, mais... T'as-tu un jeu en particulier qui te vient à l'idée? Non, pas comme ça, là, parce que j'en joue pas vraiment des jeux avec des filles comme personnage principal, justement. Là, fait que... Ok, ok. C'est dans... Rappelez-moi, Cara inclus, c'est dans Assassin's Creed Liberation, c'est là que le personnage principal c'est féminin, right? Ouais. Effectivement. Mais c'est uniquement sur PS Vita. Mais je l'ai pas joué. Parce que c'est uniquement sur PS Vita. Ben, ils l'ont mis sur le PSN pour le télécharger pour PS3 puis PS4 aussi. Dans le fond, il a pas joué. C'est un port de jeu, là. Mais j'ai pas joué encore. Pas ensemble, malheureusement. Non. Genre, tu peux pas arriver puis te dire, tu t'aimerais ça, mon jeu, ce passage-là. Mais justement, pour toi, ça serait quoi, dans le fond, un personnage féminin que t'aimerais jouer? C'est quoi que tu rechercherais chez un personnage féminin? J'ai pas vraiment de critères de ce côté-là, juste un personnage qui est intéressant à la base, parce que ça se peut aussi des gars qui n'ont aucun intérêt là, dans le personnage, fait que... Je pourrais peut-être lancer la question à Marie-Lune de ton côté, quelle sorte de personnage pour toi qui t'intéresserait de jouer? Personnellement, quelque chose qui manque beaucoup, en tout cas selon mon expérience en tant que joueuse occasionnelle, des personnages féminins qui sont forts et non juste des demoiselles en détresse, comme disait Cara. On voit beaucoup trop des demoiselles en détresse qui sont sauvées par l'homme qui va faire tout le personnage principal du jeu, dans le fond. C'est très rare qu'on voit vraiment un personnage créé de toutes pièces qui va être un personnage fort. Puis qui a une personnalité forte également. Je trouve qu'il n'y en a pas assez dans le monde du jeu vidéo. Et vous, les gars, est-ce que vous êtes du même avis que les filles? Malheureusement, je vois, surtout qu'il a fait une critique, un top 10 des personnages féminins dans le jeu vidéo, je suis obligé d'être en accord avec les deux filles, oui. Parce que, quand je pourrais te dire ça, surtout quand tu es écrivain, tu te que. T'as bien suivi tes notions, tu es supposé être capable de autant écrire un personnage intéressant qui est féminin que masculin. Puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose non plus que les rôles sont inversés, tu sais, que ce soit la fille qui sauve le gars dans le fond. Puis d'ailleurs, vite demain, y'a-tu, à part de Super Princess Peach sur DS, y'a-tu un autre jeu où c'est que la fille va sauver le gars? Lara Croft, sérieux? Là, les accords, vous me faites penser pour un noob. Noob. Yeah. Noob. Je suis un noob. Là, j'aimerais savoir une console qui peut partir des tunes tout de suite, tu sais. En gag, ça serait cool. Comme dans Tout le monde en parle. Ouais. Je suis sûr qu'il y aurait de ça éventuellement avec les... Je vais trouver ça de quoi m'amener, là. Je vais regarder la carcasse de Retro à quelque part, là, puis on fera un achat. Jug, de ton côté, est-ce que tu trouves également que les femmes sont sous-utilisées dans le monde du jeu vidéo? Oui, mais en même temps, ce que j'aime pas des personnages féminins principaux dans les jeux actuels, c'est qu'on essaie de faire la copie conforme du gars, mais féminin. Puis ça m'énerve. Okay? Pourquoi est-ce qu'on devrait enlever tous les traits féminins pour faire finalement un gars mais en fille? Puis là, je regarde, mettons, Lara Croft dans le dernier jeu de Tomb Raider, là, espèce de fille badass qui est capable de tuer tout le monde, puis qui est ensanglantée, puis qui pisse le sang, puis ce qu'elle a à faire, c'est prendre un esti de gun, puis péter la gueule à quelqu'un juste en disant allô. Là. Moi, je suis pas pour ça. Je pense qu'il faut garder les... Je dis pas qu'il faut faire des personnages là, qui sont soumis, puis que, etc., parce que c'est pas ça pantoute. Là. Mais il y a des... Mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a juste un milieu entre les deux. Je veux dire, c'est, je veux pas. Il y a une autre manière de montrer la femme. Oui, il y a une autre manière de montrer la femme super héroïne puis toute l'équipe, autre que faire un gars puis la transformer en fille après puis dire, hey, on a un personnage féminin foulotte qui pète des gueules. T'sais. C'est quoi déjà le jeu de parcours là? Shift, pas shift. Mirror's Edge. Mirror's Edge, ça. Ça, c'était une femme forte, mais ça pouvait pas être. Je pense pas que ça aurait aussi bien été si c'était un gars. Ça, le personnage de la fille était pas interchangeable, genre de nom, de sexe. Ça fitait parfait comme personnage de fille dans l'histoire, puis on la rendait forte en tant que femme. Puis qu'est-ce qu'elle faisait aussi également dans le jeu? Comme tu dis, Jug, pas juste. Ok, ben à place que ce soit un gars avec des guns, ben on va mettre une fille avec des guns. Ben c'est ça, puis la plupart des jeux que j'ai joué où c'était ça. Oui, mais je comprends que t'aimes pas ça. Moi aussi, je trouve ça, à la limite, c'est con, mais c'est une histoire d'argent, là, on va se le dire, là. Qui achète le plus des jeux, ben c'est des jeunes mâles qui ont besoin de voir une héroïne qui est badass avec... tu sais, on se comprend, là, c'est plate à dire, là, mais moi, je pense que c'est ça la vérité. T'as absolument raison, c'est juste que dans un monde idéal, j'aimerais ça qu'on évite d'enlever tous les traits féminins d'un personnage, puis qu'on y attribue même un peu de kick-ass pareil. Là. Ben ouais, comme Lightning. Hein? Dans le fond, comme le personnage de Lightning dans Final Fantasy XIII. C'est vraiment qu'on parle de cette série. Ben, parce que, par une seconde courte, on s'entend tous que Lightning est fucking Cloud Strife, mais en fille. Juste pour, dans le fond, supporter ton argument. Oui. Oui. C'est vrai que t'es plate. Pour démontrer que Jug a raison, que c'est vrai que t'es plate. Hein, c'est... Et dépourvu de toute chose qui fait de la femme quelque chose de comment je pourrais dire, majestueux. Non, mais la femme a ses propres attraits, là, ses propres forces et ses faiblesses comme un homme. Ben oui. Fait qu'à place de juste, pas juste capitaliser, mais à place de profiter de ça, ben comme tu dis, on fait juste, c'est un effet miroir, là, on prend... un template de gars, puis on le change. C'est, regarde, mettons, Vitendo, il dit dans le chat, il dit Samus. Sérieux, là, c'est... OK, c'est comme un genre de prétexte pour dire, c'était une fille tout le long. Eh, hey, man, ça peut être un cyborg ou un gars. C'est pas ce qu'on a vendu comme fille, tu sais. Simplement. Qu'elle ait été une fille ou un gars ou un robot ou un fantôme, ça n'a rien amené de plus. J'aimerais que le personnage qui soit une fille, je sais pas, il soit utilisé aussi comme fille. T'sais, le gars vient avec ses forces et ses faiblesses. La fille aussi pourrait venir dans son genre de package deal. T'sais, là, comme ses poches, on l'a comme fait gober. Là, tu vois, c'est une fille finalement. Ah, oh, c'est un personnage de fille. Mais c'est comme, je sais pas si vous me comprenez. Là. Oh, oui. C'est quand même à partir de ce détail-là que Metroid, c'est dans le fond mérité une franchise. Parce qu'à l'origine, il est supposé d'être. Ah, oh, on fait un platformer exploration. C'est un jeu. Pseudo original, parce que ça mélange Mario pis Kid Icarus, pis let's go, on produit ça. Et ouais, ils vont se dire, ben c'est cool. Ça va être une fille finalement. Ouais, c'est ça. Pour les gars, ben ça a pas trop l'air d'une fille, pis les filles vont être contentes parce qu'à la fin on va leur dire que c'est une fille. C'est poche. Mais tu sais, pour 87, c'est ambitieux. Ça, faut leur donner. Ouais, mais tu sais. Mais il y a une autre affaire aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on laisse pas, c'est dans Final Fight que c'est la fille qui était une fille, mais quand il venait à la version aux États-Unis, non, on peut pas laisser une fille se faire battre par un gars. Fait que là, c'est devenu notre argent. Fait que là, c'est comme, ok, mais on peut-tu comme laisser les affaires égales? Si la fille, elle a pas le droit d'être aussi forte, ok, elle se fait péter à la gueule, parce qu'elle veut se battre aussi contre le gars qui est là. Je comprends que c'est pas correct de montrer ça, mais là, en tout cas, dans le contexte d'un jeu, je trouve que si c'est pour montrer égal, on va le montrer égal. Là, c'était une chance. Et t'es un ennemi comme les autres, t'es aussi fort que les autres. Puis, non, on l'a changé pour un gars-fille. J'aimerais entendre Marie-Lune là-dessus. Est-ce que l'équité devrait être également dans les jeux vidéo? Est-ce que l'équité homme-femme est également dans les jeux vidéo? Moi, je dirais que oui, parce qu'il faut pas négliger... oui, il y a beaucoup de... jeunes hommes qui jouent à des jeux vidéo, mais il faut pas négliger aussi les filles qui jouent à des jeux vidéo. Ils sont moins présentes, mais sont de plus en plus là. Ils s'affichent de plus en plus aussi comme étant gamers, geeks. On le voit de plus en plus, ça. Puis je trouve que l'industrie du jeu vidéo veut trop banaliser la présence de filles dans ces jeux vidéo de ce côté-là aussi. Où oui, moi je dirais que ce serait vraiment, vraiment intéressant de le voir, l'égalité homme-femme de ce côté-là. Oui, ça peut paraître un peu poche de dire que ah ben le gars va peut-être battre la fille, mais la fille peut être aussi badass que le gars, puis avoir ses propres features, puis autant battre le gars que la fille. Que, parce que vous savez ce que je veux dire. Je dépasse ce soir, désolé la gang. Mais... T'es capable. Ouais, merci. Moi, je dis que ce serait très intéressant de voir que ce soit égal à égal aussi. Pas juste focusé pour la force pour le gars, puis la délicatesse pour la fille. Namco, la compagnie Namco, a essayé d'emprunter cette ligne directrice avec certains de leurs jeux, comme justement Xenosaga sur certains points. Moi, je joue présentement Endless Frontier sur d'autres points. Je sais qu'il y a plutôt d'autres jeux que de RPG, mais dans le fond, ça doit être Axie. Il essaie beaucoup. Namco, j'ai nommé trois jeux où c'est que Namco balance justement, si on veut, l'équité des sexes. Si vous jouez un de ces trois jeux-là, que ce soit d'attaque ou même juste une Xenosaga, vous allez vous rendre compte que oui, les filles agissent comme des filles, les hommes agissent comme des hommes, mais contextuellement, ils sont égaux. Ben, dans les fighters. Tu jouais ces jeux-là? Les fighters, c'est le meilleur exemple. Tout le monde est pareil. Mortal Kombat. Street Fighter, toutes les filles sont pareilles aux hommes, ils viennent avec leur genre. T'sais, c'est sûr que c'est peut-être pas une lutteuse Zangief, ça va être son genre, il y a un boxeur. Mais ils vont avoir d'autres arts martiaux, d'autres styles, d'autres techniques, mais tout aussi fortes que l'homme. Mais par exemple, on... Yuri-Han, effectivement. Mais par exemple, dans certains jeux de combat, je pense par exemple à Killer Instinct, où l'utilisation du corps de la femme est très utilisée à Core Kid. On s'entend, il y a un finishing où elle monte ses boules. Ouais, même chose à peu près pour Mortal Kombat, mais à part sur d'autres points, dans le cas de Mortal Kombat, il parodie ça. Est-ce que ça veut dire que c'est correct? Pas nécessairement, mais au moins il s'assume. Ben, tu sais, ils ont fait exprès dès le départ, hein, ils ont fait des espèces de gros totons. C'est sûr et certain que ça n'allait pas passer dans la brume, ils allaient en profiter pour capitaliser là-dessus. Fait que, tu sais, je m'attendais un petit peu à ça, qu'il y ait un move avec des seins. Qu'est-ce que je dis? C'est un clin d'œil, ça fait rire un peu, c'est sexiste, certainement, mais est-ce que ça fait si mal que ça au personnage? Personnellement, pas convaincu. Ça dépend dans quel contexte, ça dépend qui. Ça peut. Parce que si c'est trop fait, oui, là, ça peut faire mal. Ça peut endommager le personnage. Oui, mais elle a juste un move. C'est pas comme si elle tape avec ses seins, puis elle les prend, puis elle frappe avec. Ça fait un move à la fin qu'elle se flippe, puis genre, elle les flash, c'est une fois. C'est pas comme un abus, c'est... Je sais pas. Alpha, j'aimerais savoir de ton côté, est-ce que tu trouves que le sexisme est encore sa place en 2013, en 2014? Le sexisme, s'il y a sa place. Oui, dans les jeux vidéo. Merci. En 2014. C'est des faits, je pense que tu faisais, Ben. Ouais. Ouais, c'est pas la même chose. Ouais, c'est. Ouais, moi, je suis super sexiste, je suis pour le racisme aussi. Ben, voyons. T'es comme par exemple des jeux. T'es comme par exemple des jeux où on parlait. T'es comme par exemple les jeux que je parlais, comme par exemple Killer Instinct, où la femme utilise son corps pour faire un mouvement X. Est-ce que c'est encore acceptable en 2014? Écoute, je pourrais pas te répondre parce que les fighting games, j'aime vraiment pas ça. Fait que les moves dont vous parlez, je les connais pas, je les ai pas vus. Ça tue sa place. Bon, peut-être que ça manque un peu de classe. Mais moi, je crois que les grosses compagnies, là, Capcom et compagnie, ben ils s'en foutent, là. À la limite, si ça peut faire de l'argent, si ça peut rendre leur actionnaire content, ben ils vont le faire, là, tu sais, voyons, qui va chialer, là? Puis même s'ils chialent, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? T'achèteras pas mon jeu? Ben, c'est pas grave, j'ai toute une horde de gamers qui vont l'acheter, tu sais. Mm-hmm. Donc, ça manque de classe, mais qu'est-ce que tu veux? Ton avis, Carole? T'es là, puis... Ben, dans le fond, de ce que je comprends que vous avez dit, c'est que vous aimeriez ça avoir une égalité entre les deux sexes, mais en même temps, qu'est-ce que vous voudriez qu'il ressorte d'un personnage féminin par rapport à un gars, les différences dans le fond? Ben, on s'entend que les filles ont des caractéristiques que les hommes ont pas, puis que les hommes ont des caractéristiques que les femmes ont pas. En se parlant de là, ça dépend bien entendu des archétypes qui facilitent aussi le développement d'un personnage, mais qui aussi, à partir de ce moment-là, doit être aussi servi pour, si on veut, défier la norme de même archétype. Non, moi je parle, il y a des affaires qui sont indiscutables, là, je veux dire. Je sais pas ça. Biologiquement, puis etc., il y a des affaires que tu peux pas changer, là. Par exemple, l'état émotionnel d'une femme n'est pas le même état émotionnel qu'un homme, ça c'est chimique, là. C'est pas quelque chose que tu peux changer avec l'éducation ou la culture, là. La même chose pour un gars, là. D'autres, on est drivé par la testostérone. C'est chimique, là. C'est biologique. Ça. Tu pourras pas changer ça avant que t'enlèves toute la testostérone dans le corps des hommes. Ouais, là, t'es dans marde. Hein? Je dis là, t'es dans marde. Ouais. Ouais, pourquoi? Pourquoi? Non, mais c'est pas vrai, c'est pas un fait biologique, ça, qu'on a de la testostérone. Oui, là, ça. Puis je pense pas que je suis dans la merde parce que j'ai de la testostérone. Ouais, c'est quoi le rapport? C'est une caractéristique biologique de l'homme. Quand t'as plus de testostérone. Ouais. Ah, ok, quand t'en as plus, t'es dans la merde. Et là, j'ai dit, oui. Ah, okay, c'est pas ça, j'ai compris. Ok. Je te demandais. Un personnage, mettons, comme... je pensais à Shepard dans Mass Effect, qui est un personnage qui est autant homme que femme, selon le sexe que vous avez décidé, le dialogue est de la même affaire. Est-ce que c'est un principe qu'on pourrait utiliser dans la plupart des jeux vidéo, où le personnage, on pourrait tout simplement changer le sexe et ça pourrait rester le même jeu? Ben, c'est ça un petit peu avec Shepard. C'est la même affaire, que ce soit un gars ou une fille. T'sais, les lignes de texte restent majoritairement la même. C'est une image différente, c'est tout. C'est ça, la seule chose qui change avec Shepard, lorsque on peut voir un peu plus sexué, c'est, mettons, c'est selon la relation que tu vas choisir avec, mettons, si c'est une femme, ben, elle va être favorablement attirée vers les hommes ou vers les femmes, tout dépendant si vous aimez ça. Et dans les gars, ben, c'est la même affaire, c'est juste l'approche d'une autre personne également, là, mais est-ce que ce serait un modèle qui serait faisable? Mettons Lara Croft, on pourrait tout faire un Tomb Raider homme, mais ça serait dans le même jeu. Drake's Fortune. Et voilà. C'est le même personnage qui existe, l'archétype du personnage est la même, ses attributs sont les mêmes, sauf que Lara Croft c'est une femme forte, puis Drake c'est Indiana Jones, c'est la même affaire. Mais tu sais, dans Lara Croft, on dirait que c'est... je sais pas. Oui. C'est... Non, c'est ça. Il y a plein d'exemples de personnages femmes. Mais mettons là, le premier là, qui vient en tête, je sais pas. Écoute, le personnage dans la cas de Véronica, là, comment elle s'appelle, la fille? Claire. Ouais, ben tiens. Ça, c'est une femme forte. Elle est équivalente de toute son équipe de mercenaires. T'as sent pas faible, tu sais, elle court comme eux, elle escalade comme eux, elle transporte la même affaire qu'eux, elle est aussi bonne qu'eux dans tout. Mais c'est très féminin. Oui, très féminin, oui, mais c'est une femme forte. Exact. C'est ça, moi, c'est ça que je parle, quand le personnage qui garde ses caractéristiques féminines, c'est ça. OK. Mettons vos personnages... non, je vais aller avec une autre question à la place. Avec vos relations avec les joueuses, je vais demander à Cara et à Marie en premier, comment vous vous sentez lorsque vous jouez en ligne avec des gars? Oh boy! Ça dépend du jeu. Sérieusement, moi, la seule expérience... World of Warcraft, c'est la seule expérience en ligne que j'ai vécue avec des gars. Et je jouais un personnage féminin, puis c'est sérieux, là. Le trois quarts des gens pensent, de un, que je suis un gars. De deux, quand je leur dis que je suis une fille, ben oups, soudainement, ça leur tente plus de jouer avec moi, ils s'en vont. Ben voyons donc! Hein? Ouais, ça m'est arrivé. C'est ridicule, ça. Ben, voyons. Ça m'est arrivé souvent quand j'ai joué. Non, mais c'est parce que dans le sens que j'aurais l'impression que ça serait l'inverse. Ouais, d'habitude, t'es une fille, tout le monde est après toi. Là. Ouais, les gars, ils te donnent plein d'affaires. Hein? Ils vont t'aider dans tes quêtes, ils donnent du coach. Mais peut-être comme l'autre. C'est con, mais c'est ça, là. C'est comme, ah, c'est une fille, laisse-moi te protéger dans la caverne. C'est comme, what the fuck. Tu veux devenir ma blonde virtuelle? Mmh. que je veux de l'amour. Do you want a date my avatar? Ouais, c'est ça. Non, mais il y a comme un genre de galanterie qui rentre en jeu, qui est normal. Là. Tu préférais, genre, mettons que le monde fasse quoi, qu'il fasse fuck you, décalier, c'est une fille, t'as pas le droit de jouer. Non, mais. Le côté comme. Par exemple, je pense que c'est le côté galanterie. Toi, moi, je pense plus que c'est le côté fille. T'es une fille, ça fait longtemps que j'en ai pas vu une. Moi, je pense que c'est plus ce côté-là. Là. Ouais. Le côté âme de Cro-Magnon. Là. Ouais. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est ça. Là. J'ai juste peut-être juste pas pogné les bons joueurs, là. À part ça que je connaissais déjà de base dans la vraie vie, on s'entend que c'est pas pareil quand tu connais déjà les amis qui sont en ligne, là. Mais les personnes qui étaient inconnues, j'ai peut-être pas pogné les bons inconnus, malheureusement. Sinon, c'est les gars qui prennent des personnages de filles, puis qui... Ouais, ça, il y en a beaucoup. C'est ça, j'ai énormément. Jamais compris. Mais moi, je suis fille dans WoW, là, mais... J'ai jamais compris, là. Ouais. Moi, j'ai un de mes amis qui avait une théorie intéressante. Il dit, lorsque tu joues à WoW, t'as un personnage qui va durer pendant quasiment jusqu'à 5-6 jours de slash play devant toi, qui va courir devant toi, puis tu vas avoir toujours son cul. Fait que c'est pour ça que tu prends le cul d'une fille, parce que pendant tout ce temps-là, tu vas avoir le cul d'une fille qui va se promener, donc c'est plus facile à l'œil. Moi, j'ai une autre théorie. Il y en a beaucoup qui pensent que leur personnage de WoW, c'est une extension d'eux-mêmes, alors que pour moi, c'est juste un bonhomme de pixels que je m'amuse avec. Pas moi. Admettons, tu parles d'un jeu Skyrim, tu parles d'un jeu de rôle ou un jeu où on donne l'opportunité de vraiment crafter un personnage du début, d'en bas, en bas, en bas. J'aime, pour moi, que ce soit une extension de moi-même. Je te dis pas, faut qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau, mais j'aime dire, si c'était moi, si j'étais dans cet univers-là, j'aimerais jouer de cette manière-là puis ressembler à ça. Parce que ça te permet, dans le fond, de t'investir toi-même dans le jeu que tu joues. Ça, c'est le côté un peu plus roleplay, là, qui est très vénérable, à mon avis. Mais ça tombe dans les jeux de roleplay. J'ai jamais vu un jeu de même quand, je sais pas, t'es comme Bob le constructeur, choisis ton bonhomme. Souvent, c'est dans des jeux qui te demandent, fait que pour m'impliquer à 100% dans l'histoire, ben moi, je veux que mon bonhomme me ressemble. Je sais pas, j'ai comme de la misère à être un genre de lizard man. Je sais pas, j'ai comme de la misère, j'essaie de faire comme genre un bonhomme avec des cheveux longs, un viking, avec une épée, une affaire. Mais d'être mon extension, je vois mal personnellement de faire une fille puis de me dire ah oh, ça c'est moi là, qui tire la flèche là, avec mes seins. Je le vois pas comme une extension de moi-même. C'est un personnage que je joue avec, comme si je jouais avec un bloc Lego. Oui, un bloc Lego, c'est pas moi là. Oui, pour un jeu comme ça, ça me dérange pas, mais quand c'est un jeu vraiment. Non, je trouve ça bizarre. C'est une extension, je trouve ça pas sain d'esprit. Manière de jouer. Oui, c'est ma manière de jouer quand tu parles d'un jeu comme ça, avec plein de branchements et tout. Si on me donne l'opportunité de pouvoir faire crafter mon bonhomme du début, ben moi je vais essayer de faire une extension de moi-même. Ça c'est moi, là. Je vais essayer de faire un bonhomme, un moi, mais virtuel. Puis jouer moi dans ce monde-là, à la place de dire, je fais un bonhomme lion qui a comme 4 jambes puis 6 bras. C'est pas un personnage qui, moi, va venir me chercher. Cara, j'ai pas eu, malheureusement, on a dévagué un petit peu sur le sujet. Mais, ton avis à toi, côté jouabilité en ligne, je sais que tu joues beaucoup à Borderlands. Mais je joue en solo, c'est ça l'affaire. Ah, ok, mais t'as-tu eu la chance de jouer en ligne? Est-ce que le comportement des gars est différent avec toi? Ben... Faut dire que quand je joue en ligne, c'est avec du monde que je connais, donc j'ai pas vraiment eu affaire à des situations où j'étais avec complètement des étrangers, là, sauf une fois quand j'ai joué à le mode online d'Assassin's Creed, puis que c'était tous des gars sur le micro qui disaient « j'espère qu'il n'y a pas de filles ici » ou « nanana nanana », puis qu'à la fin, c'est moi qui ai gagné la partie, j'avais juste envie de brancher mon micro puis dire « hey! » Mais... « Go fuck yourself! » Yes, sir! Puis, c'est ça. D'habitude, c'est avec du monde que je connais. Fait que. Puis, de toute façon, il y a juste une personne avec qui je joue en ligne normalement. Fait que. Puis, ça donne que c'est un gars, mais je vois pas la différence que ça fait, là. Je vois pas en quoi qu'une fille serait pas capable de peser sur des boutons autant qu'un gars, là. C'est juste ça le principe de jouer, là. Il y en a qu'on dirait qu'ils se disent, ah, oh, une fille, ça peut pas. Non, ça peut pas faire ça. C'est trop compliqué. Il y a juste les gars qui sont capables d'appuyer sur des boutons puis d'avoir des réflexes de jeu ou n'importe quoi de même. Je sais pas trop, là, mais c'est vraiment bizarre. Oui. C'est vraiment calme, ça. J'aimerais juste vous rappeler que la championne, une championne de, Counter-Strike, qui est québécoise. C'est Madame Stéphanie Harvey. C'est une québécoise et elle a torché des culs. Elle a torché des gars. Puis oui, elle est aussi, elle est victime de sexisme beaucoup lorsqu'elle joue, parce que les gars ils se sentent, ils leur fait tellement chier qu'une fille là-bas de pleine couture. Mais pourquoi? T'as un autre de se questionner, bon, c'est quoi, qu'est-ce que je prends pour être meilleur pour que la prochaine fois je puisse battre cette joueur-là? Il est où les ambitions à ce moment-là? Parce que c'est une fille, ça marche plus? Ah, c'est comme s'il verrait ça comme un intrus, je présume. On est dans le locker room, on est tous des boys, puis bon, une fille. T'sais. C'est comme s'ils arrivent, puis je présume que c'est ça la mentalité. T'sais. Ouais, mais ça, c'est à la mode dans les années 60. Pas, ouais, pas c'est... Ah, c'est pas une mode, c'est tout le temps, c'est omniprésent. Je peux comprendre que même les gens en ligne aujourd'hui, c'est comme ça. Ça va tout le temps être de même. C'est des énormes préjugés, selon moi. Oui, t'sais. Ça n'a pas de cause de chance. Mais ça va tout le temps être présent, on n'arrivera jamais à éradiquer ça. Sauf si les valeurs changent de façon drastique. Ce qui arrivera pas, parce que c'est dans la nature humaine d'être exact. Comme ça, tu sais. Et il y a un gros, il y a un petit, il y a un grand, il y a une fille, il va toujours avoir quelqu'un pour dire quelque chose, tu sais. Ça va arriver un jour, quand que l'humanité va se faire éteindre de la planète. Et ah! Boy. C'est sagement dit. Des paroles sages de Sylvain. Là là. Ben, je vais aller avec cette question-là. Qu'est-ce qu'une fille peut faire lorsque ça arrive? Lorsque elle subit des propos de même, qu'est-ce qu'elle pourrait faire finalement? Ignorer les propos, point. C'est tout. C'est pas mal ça. Parce que normalement, ça va être une gang de gars, pis tu peux pas faire grand-chose contre ça, t'es tout seul de toute façon. Ils vont te rabaisser tout le temps, fait que tu fais rien, tu fais comme si y a rien qui se passait. Là. C'est juste eux autres qui ont l'air niaiseux au final. Ouais, mais entre autres, ils ont l'air intelligents, là. C'est ça qui est dans le fond. Qui est plus triste de leur, plus d'eux autres que dans le fond, dans ton cas, Kara qui agit avec grande maturité finalement. Mais je pense que la plupart des filles doivent agir avec maturité aussi, là. Ben, rendu là, oui. Ouais. D'au pire, de les ignorer, puis totalement fermer même le micro s'il faut, parce que ça pas. Comment ben, dire? Des joueurs désagréables, tu sais. Dès qu'ils arrivent avec des propos comme ça, ça serait de ne pas jouer avec du monde de même, tu sais. Ignorer comportement, puis ça vaut juste pas la peine de gaspiller, selon moi, de l'énergie négative dans des gens comme ça. Point. Exactement. C'est juste que ça pop une bonne gang de gamers, mais bon. On va aller du côté personnage féminin en tant que tel. On va retourner dans ce coin-là. Vos personnages féminins préférés? Je vais commencer avec Kara. Ton personnage féminin préféré, toi, est-ce que t'en as une en particulier? Non, pas vraiment, parce que disons qu'il n'y a pas beaucoup de jeux que je joue qu'il y a des personnages féminins dedans, disons. Là. Fait que j'ai pas vraiment de réponse de ce côté-là. Ok. Marie-Lune, de ton côté? Je vais être plate, mais je suis un peu comme Kara, parce que dans les jeux que moi je joue, il n'y a pas nécessairement de personnages extrêmement forts et féminins. Donc, j'ai pas, du moins du côté des jeux vidéo, j'ai pas de personnages féminins préférés. Malheureusement. Mais dans je peux faire l'intervention pour peut-être creuser, autant chez Kara que chez Marie. Mettons, Kara, toi qui aimes jouer Borderlands, le nom me perd, mais les filles de chez Borderlands, c'est pas quelque chose que t'attire? Ben, j'aime les trois personnages, en fait, là. Parce qu'il ben, y en a une que c'est dans les extensions, donc elle fait pas partie du jeu de base en tant que tel, mais c'est Gage. Puis, ça, ouais, c'est pas pire à l'autre. Ben, il y a d'autres personnages aussi qui sont pas jouables, mais que c'est des personnages quand même colorés, que leur base à eux autres, c'est pas juste de faire l'espèce de femme objet, whatever. Ils ont vraiment comme une espèce de rôle de fait. Là. Je pense à la petite fille dans Borderlands 2, je me rappelle plus de son nom. Tina, qui est aussi meurtrière que n'importe qui d'autre, mais qui a juste une apparence d'une petite fille. Mais qui connaît très bien les explosifs. Ok, yes. toi, Alpha, de ton côté, as-tu un personnage féminin que tu apprécies plus? Pas vraiment, écoute. Dans les jeux que je côtoie ces temps-ci, il me semble que j'en connais deux là. Peach pis Tomb Raider pis Tomb Raider. Mais ouais, mais. Zelda? Tu sais, Tomb Raider, écoute, moi je jouais beaucoup à Tomb Raider dans le temps du PS1. Là, quand c'était nouveau, ça venait de sortir, on capotait donc là-dessus, mais tu sais, c'était pas pour la fille là, c'était pour le jeu en tant que tel, pis. Non, ah, écoute, j'ai pas énormément de personnages féminins favoris, là. Tu sais, j'en ai un masculin, mais c'est juste parce que c'est Megaman, là. Tu sais, sinon, je n'en aurais pas. À vous les autres, ton personnage féminin préféré, c'est Rose. Quoi? Ton personnage féminin préféré, c'est Rose. C'est qui, ça? Oh, ah. Oh non! Non, c'est même pas Sicky Roll. Non. C'est comme la sœur de Megaman, dude. Ok, je connaissais pas son nom. Je connais la fille, mais je connaissais pas son nom. C'est le titre en anglais, japonais, Rock and Roll. Jug, de ton côté, ton personnage féminin préféré? Moi, je pourrais dire Claire Redfield. Dans Resident Evil, justement pour ce qu'on a dit auparavant, que c'est une fille qui kick ass, elle est badass, mais en même temps elle est très féminine. Elle garde ses caractéristiques qu'on peut juste retrouver chez une femme. Ensuite, je pourrais dire, je me souviens bien du nom, Alexandra Roivas d'Eternal Darkness. Ah oui, oui. Oui. Tu sais, elle, c'est une fille quand même assez ordinaire, mais qui est capable d'en prendre. Là. C'est pas une petite tenue, là. Antithèse, je vais devoir te faire couper une de tes vidéos et me dire ton personnage féminin préféré. Ben écoute, depuis que j'ai joué à d'autres jeux, je te dirais ma numéro 1 demeure toujours Jill Valentine pour les raisons que j'ai mentionnées par le passé, que c'était un personnage très très bien développé ironiquement par Capcom. Mais j'ai un petit coup de cœur sur qui va de Endless Frontier, puis un jour je vais te dire pourquoi, ce serait Suzuka Ime. Alors, qui est Suzuka Ime? Ben, c'est une petite Oni. Oni, c'est une personne d'apparence humaine avec je sais pas comment appeler ça autrement qu'une horn sur, on va dire en anglais, une horn sur le front. Une corne. Si tu préfères, ouais. Et, elle se bat avec des fans, comme justement la légende de Suzuka au Japon. C'est quoi quelle est la particularité de cette princesse-là? Ben, elle se bat avec un robot. Fait que tu l'appelles madame quand t'en vois. Même sa mesure 4 pieds 8, tu l'appelles madame. Ah bon, ok. Et elle est juste bien baveuse. Ok. Arcade, de ton côté? J'ai comme un flash avec la série Metal Gear. Sniper Wolf. Sniper Wolf. Oh, très bon choix. J'avoue. Super femme forte, je me trompe pas. C'était elle ou c'était... C'est qui déjà la fille dans Metal Gear? 4, là, c'est pas Big Boss, comment qu'elle s'appelle? Elle est tout habillée en blanc, puis à la fin, t'as un combat final dans le Lotus. Ouais, ouais. The Boss. Boss, c'est ça? Pareil, The Boss. C'est deux femmes fortes. Sur le 5, donc. C'est les trois. Oui, c'est ça. Ils ont deux femmes qui viennent en tête, ils ont un gros bagage, sont super féminines, sexy, mais tout aussi badass que le personnage, le protagoniste principal, Snake. Pour un jeu genre de violence, d'action, puis de combat comme ça, les deux personnages, en tout cas, que j'ai trouvé, c'est super fort. Ils ont chacun leur force sans perdre leur féminité. Puis ça, pour moi, c'était super, super important. Puis c'est un flash qu'on a eu quand on commençait à parler de ça. Ben, je pense à ça, là, rapidement, mais je pense de Boss. Je pense que c'est le seul personnage de fin de jeu féminin. Je pense rapidement, là. Je connais pas de Boss féminin. Actuellement, un style duel, tu aurais raison, c'est un des rares, mais des antagonistes féminins, t'en as quand même une couple. Le problème, c'est que quand les protagonistes, c'est un peu dur de saisir qui l'est vraiment. Mais tu l'as au bout de talent, mais t'es pas capable de sortir, c'est ça qui est dommage, en fait. Je suis en train de penser, mais non, ben à date, oui, c'est vrai. Moi, de mon côté, j'irais avec Shepard féminin. C'est étrange à dire, mais pour moi, c'est un personnage qui m'affecte beaucoup parce que, oui, elle reste féminine, mais comme disait Jog, elle est capable d'en prendre, elle est capable de frapper. Par exemple, dans le 3, il y a une scène où est-ce que elle fait une sorte d'entrevue avec un gars, puis finalement, ça se ramasse en combat à coups de poing pendant qu'ils échangent leurs phrases. Mais tu sais, elle est comme, regarde, t'es deux fois plus gros que moi, mais je suis capable de te ramasser pareil, tu sais. C'est ça que j'ai aimé beaucoup de Shepard féminin. Puis je trouve que la voix, la personne qui fait sa voix a fait un excellent job pour même féminiser le texte, faire en sorte que, oui, c'est un personnage à part entière, que il est totalement différent du Shepard masculin. C'est ce que j'ai bien aimé avec, avec Shepard féminin. Je me demandais, pour vous, on a tous joué récemment au nouveau Mario, où est-ce que Peach est un personnage jouable. Est-ce que oui. Vous êtes prêt à continuer à jouer à des Mario Bros, où est-ce que Peach est un personnage jouable, ou vous préférez avoir un personnage ou aller sauver Peach? Ça envoie une invitation, jouer en Peach. Ben oui! Jouer en Peach. Tant qu'elle a des features différents, là, ça va rendre le jeu intéressant. Parce qu'il faut, faut quand même dire que le but principal des premiers Mario, c'était d'aller sauver Peach. Donc, ça fait c'est un gros contraste, faut le dire. Avoir un personnage comme Peach ou un personnage féminin fort pour faire un jeu comme Mario Bros, je trouve que c'était une excellente idée. Sérieusement, moi, j'étais content de rejouer avec. Ben oui. Il était temps aussi qu'on joue avec Peach Plus. Ailleurs que dans les Mario Kart et compagnie, mais vraiment dans un jeu de la série originale. On l'a trop vu souvent se faire kidnapper. C'était à son tour d'aller jouer un peu puis d'aller se battre, je trouve. Ça faisait longtemps. C'est comme devenu un running gag dans le fond qu'elle se fait kidnapper tout le temps. Il va y avoir un jeu là que c'est Mario qui se fait kidnapper par Bowser, puis tu joues Peach. Yes. Ça existe? Oui, ça existe, je l'ai moi-même à l'appart. Ah, ok, j'ai rien dit. Tu couperas ça, Ben. Non, je garde ça. Ça va être retenu contre toi un jour. Mais oui, Marie, si tu veux, tu peux aller le chercher pour lui montrer. Mais par exemple, un personnage comme Zelda. Est-ce qu'elle devrait toujours être la demoiselle en détresse ou Zelda pourrait être un personnage jouable? Mais Zelda devrait être un personnage jouable parce qu'il y a plusieurs signes qui ont démontré qu'elle pouvait également avoir un excellent potentiel justement d'un personnage jouable. Non, mais c'est pas une princesse en détresse comme Peach, là. C'est ça, non. C'est ça la différence. Dans les Zelda, c'est pas Zelda que Ganon veut, c'est la Triforce. Puis ça donne juste que Zelda, elle a une des Triforces. Mais ça fait en sorte qu'il faut quand même, c'est quand même elle qui est comme kidnappée dans un sens aussi. Puis les autres sages, je sais pas si t'as joué aux Zelda dernièrement, mais tu sais très bien que c'est les sages qui se font kidnapper à cause de leurs powers, puis il y a des gars là-dedans aussi. Là. Oui, c'est un fait. Mais dans Zelda, ils auraient pas pu juste laisser Zelda, puis à place de transformer Zelda en héroïne, juste simplement créer un nouveau personnage féminin équivalent à Link, tu sais, à place de dire, bon, mais la princesse, qu'elle fasse autre chose que juste être l'objectif de Link. Il me semble qu'ils auraient pu créer juste un nouveau personnage. Non, ça veut dire que ça aurait été un petit peu dur à identifier. Je veux dire, tant qu'à faire, pourquoi tu fais pas un nouveau jeu? Rendu là. Ouais. Ouais, mais ça fait partie de la série. Et pas comme une série à part entière, tu sais, indépendante. Fait que tu sais, je pense que c'est important qu'elle fasse partie de cette série-là, mais bref, je sais pas. Mais c'est sûr que Peach joue un rôle plus actif dans la série que Zelda avec Link, là. Ah oui, ça c'est sûr. Mais un personnage, mettons, comme... comment dire... je pense par exemple à Link. Link est quand même un personnage qui est proche de asexué. On peut-tu considérer que c'est un personnage asexué? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de filles qui adorent se cosplayer en Link, là. Je pense à Tanuka qui a un costume de Link. Ouais, effectivement, c'est pas le gars le plus mâle que je connaisse. Là. Ouais, mais ça, c'est la typique culture japonaise. Là. C'est la plupart de l'Oreo, elle ressemble à des filles. C'est un fait. Ben, c'est vrai, c'est une question de poitrine puis de vêtements. Puis les traits du visage sont souvent les mêmes, les yeux. Rajoute des boules au personnage masculin japonais. Là, puis c'est ça serait drôle de voir ça, pareil. Ben, c'est vrai, là, les personnages se ressemblent. Là. Mais, tu sais, Link, y est-tu. Je sais pas, même. On va aller voir le monde sur le chat parce que ça jase beaucoup, beaucoup. Ah ouais? Oui. Nice. C'est bon, on veut. Du débat. Alors, allons-y. Guillaume3232 qui dit que Zelda elle est techniquement jouable dans Spirit Track. Je t'avoue que j'ai pas bébé avancé dans Spirit Track. Plus ou moins, je te dirais, je fais des puzzles avec elle, mais beyond that. Personnage féminin équivalent de Link, c'est Chic, selon notre cher Joe. Ouais, mais sauf que Chic elle est pas vraiment jouable encore, c'est ça le problème. Mm-hmm. Mis à part dans Smash Bros, c'est pas un... Tu sais, je veux dire, tu n'as pas réellement la chance de jouer avec, avec Sheik, mettons. Sinon, à part ça, qu'est-ce que ça dit? Funky Billy qui dit qu'il a bien aimé Parasite Eve. Mm. Le premier, là, on s'entend. Ouais, le premier, sûrement le premier, là. Oublie le deuxième. Non, deuxième, ça va. C'est le troisième qui... va vouloir t'initier au suicide. Et je ne niaise pas. Tu niaises pas avec les mots là-dessus, en tout cas. Non. Non. Non. Ils allaient tous se ramasser en novembre. Ah, d'accord. Question de même rapidement. Pour vous, le premier personnage féminin d'importance dans le monde du jeu vidéo, ce serait lequel? Peach. Peach. C'est le premier qui est apparu, selon moi. Avec... C'est Pauline. Pauline. C'est Pauline, oui, son ancêtre. C'est Pauline. C'est vrai, avec Donkey Kong. Pauline puis Jumpman. Ouais. Et, ok. C'est ah, bon. Puis Miss Pac-Man. Oui, c'est vrai. Tanuka m'a fait promettre de dire comme quoi qu'on peut tout changer. Attendez, je vais aller chercher son cours qu'elle me dit. Ce sera pas très long. Mais, mettons Samus. Samus, ce serait-tu un personnage qui... on peut considérer comme féminin auparavant? Ben, ils ont développé un Cutter M, le personnage, en plus de détails, yeah. Mais... c'est, pour moi, non. Je trouve que c'est trop gratuit à la fin de dire « Hey, tu joues un personnage go, robot, whatever, puis à la fin, il enlève le cache, cheveux longs, c'était une fille! » Ça aurait pu être, comme je dis, un genre de robot. Ouais, mais c'était une autre époque aussi, là, les mentalités. Oui, comme... c'est sûr, mais je pourrais pas dire que ça serait dans les premiers ou dans les pionniers. T'sais. Ouais. C'est ça, elle nous fait dire, à Tanuka, que que Miss Pac-Man est la preuve qu'on réussit à sexualiser n'importe quel personnage féminin, même une boule jaune. Tanuka, t'es hot. Des talons hauts puis un petit ruban. Ouais. Mm. Link, il est prêt à essayer. Tu veux mettre un ruban dans les cheveux à Link, c'est ça? Ah oh, ouais, c'est ça, avec des talons hauts, là. Non, des Lulu avec ses cheveux jaunes. Lulu à Link, let's go! Je suis capable de te faire un manga comme ça, si tu veux. Des forêts dit Link démontre bien qu'un gars avec des collants, ça peut être winner. Ça ben, aussi. Excellent pour pour voir les collants, voyons donc. Kevin Dory dit Chun-Li et Yuri de Super Street Fighter 4. Chun-Li, oui, absolument. Oui. C'est des femmes qui sont très fortes, je l'avoue. C'est des personnages de Fighter. Ben, j'avoue que j'ai pas réellement joué à Street Fighter 4, même si je l'ai. C'est mon... J'ai joué à aucun Street Fighter. J'aime pas assez ça. C'est correct. On pardonne. Ok. Oh, t'aimes pareil. T'as-tu un autre secret à nous dire? Oui! T'aimes mettre des collants, c'est ça? Oui, pis Samus, c'est un gars! Fuck you! Vous êtes fucké, gars! ouais, c'est à peu près ça les commentaires que je vois sur Facebook et YouTube. Alors, là-dessus... un dernier mot? Voulez-vous rajouter un dernier mot à propos des personnages féminins? Qu'est-ce que vous espérez dans le futur? Qu'en ait plus pareil, sans forcément qu'il soit, comme on l'a dit durant le débat des accros, hyper sexualisé ou même moindrement sexualisé. Ça a été démontré à plusieurs reprises que la femme peut autant avoir sa place comme héroïne qu'un homme dans les jeux vidéo. Ok. Est-ce que vous avez un autre mot à rajouter, vous autres? Ouais, dans le fond, c'est comme on disait là, que le personnage féminin soit à part entière, le personnage même, pas juste une image copie conforme de son équivalent masculin ou quelque chose, mais qu'on sente que c'est un personnage avec sa propre histoire, ses propres forces, ses propres faiblesses, puis pas juste un jeu comme... Oui, admettons, pas juste comme League of Legends que, ah ben Gadon, tu peux tout choisir, dans le fond, ils sont tous pareils, ils sont tellement petits que tu sais, ça peut être un gars, un blob, un arbre, n'importe quoi, tu le sais même pas, le personnage est tellement petit là, mais de voir vraiment que c'est une femme, est forte, et pas juste un outil, comme à Double Dragon, que, ok, ben c'est la raison pour laquelle on va chercher la fille. Mario, on va chercher la fille. On va tout le temps chercher la fille. Fait que, c'est quoi, faudrait l'inverse, genre deux filles qui vont se battre, une bleue, une rouge, puis vont chercher leur chum, tu sais. Lâcher les demoiselles en détresse un peu, là. Les doublettes dragon. Voir qui... chercher la femme, mais oui, c'est quelque chose qui ne manque pas, mais c'est qu'on ne trompe pas, puis t'as l'air depuis le romantisme des années 1500, mais s'il vous plaît, là, comme tu m'as dit, là. J'ai une question pour vous autres, ça vient de me popper en tête. Mettons les filles qu'on voit dans les conventions ou qui sont habillées pareil comme leur personnage féminin. Est-ce que c'est pas une acceptation de le faire? Je veux dire, c'est pas une acceptation de leur part de vouloir s'habiller en leur personnage féminin qui sont sexualisés? Ils sont sexués. Sont libres? En quelque part, oui, puis non. Mais là, on va se baser sur l'argument social. C'est qu'on dit que. La sexualité, ça donne du pouvoir. Il y a quelque chose de dangereux là-dedans, moi, je trouve. Moi, je vois plus ça comme quoi qu'ils comprennent que le personnage est fort, le personnage est féminin puis sexy. Puis s'ils aiment le personnage qu'ils veulent être à l'image d'eux quand ils font leur cosplay, ben ils comprennent pourquoi que le personnage est comme ça, puis ils le respectent à part entière, fait qu'ils décident de se déguiser comme ça. Bon, c'est bon pour mes yeux, moi, j'aime ça. Mais je veux dire, c'est le fun. La fille, je pense qu'il a pas... comprend aussi c'est qui son personnage, c'est quoi, puis comment je peux expliquer. Tu sais, je pense pas qu'elle se dit « Ah, mon personnage, il est niaiseux, il sert à rien, regarde son gros décolleté, je vais faire pareil, ha, ha, ha. » Non, je pense que la fille est faite forte, puis c'est sa manière de dire « Regarde comment est mon personnage, puis bon, je vais juste pas tomber dans... » C'est un choix assumé aussi, là. Tu sais, il y a des personnages qui sont pas habillés sexy, puis il y en a qui sont habillés sexy. Fait que tu sais, il y a un personnage en gros manteau d'hiver avec des tucs, des affaires de même. De toute façon, regarde, pourquoi pas, c'est ça le cosplay, tu sais, c'est d'aller à l'extrême du costume. La fille qui aime ce personnage-là, c'est pas vrai qu'elle connaît pas le personnage. Elle le connaît assez pour aller dans les détails du costume. Fait que si elle l'aime, elle l'aime en part entière, puis elle aime cette partie-là aussi, qui est son vrai personnage, il est comme ça. Fait que c'est dangereux, hein, une femme sexy, féminine, dangereuse. C'est le meilleur des assassins. C'est qui? C'est Danina dans... comment qu'elle s'appelle? L'assassine, là, dans... pas Soul Calibur, dans Tekken, c'est ça? Nina Williams? Ouais, l'assassine, c'est ça? Non, hein? La blonde, je pense. Ouais, c'est ça, blonde avec les cheveux courts, sensuelle, sexy, extrêmement dangereuse, la meilleure des assassins. Pourquoi pas? J'aimerais avoir l'avis des filles également, Kara et Marie. Ben, au niveau cosplay, c'est comme ils décrivent un peu dans le fond, mais il y en a que c'est vrai qu'ils font ça pour l'attention. Tout comme il y a des gars qui vont utiliser des personnages un peu comme tout le temps en chest, là, que dans le fond, ils ont quasiment rien que des pantalons, là, pour attirer l'attention des filles. Ça se fait des deux côtés. Il y en a qui sont ils aiment le personnage ou qu'ils l'utilisent pour avoir l'attention. Exemple Zangief. Zangief? Non, c'est parce qu'ils veulent troubler le monde, c'est la différence avec Zangief. Moi, un gars se promenant en bobette, là, ça me trouble. Mais tu veux dire... Non, mais je suis curieux que le point... C'est bon. Je suis curieux que le point qu'Ara a amené, tu penses-tu que c'est de s'habiller comme ça pour attirer les yeux des hommes gamers à ces événements-là, tout comme une fille s'habillerait extrêmement trop sexy dans un club pour attirer les yeux d'un gars qui... dans ce genre de braquette-là d'hommes? Tu penses-tu que c'est ça? C'est ça que tu veux dire? J'ai peut-être mal compris. Non? Kara? Kara? C'était quoi la question? C'était trop longue ta question. Non, j'ai dit, parce que tu dis que dans le fond, c'est pour avoir un petit peu d'attention, peut-être pour certaines, de s'habiller comme ça. Est-ce que tu penses que c'est tout aussi une manière d'attirer de l'attention pour le côté gamer des gars dans ces événements-là que ce l'est pour s'habiller sexy quand il y a des sorties? Mais tu sais, s'habiller trop sexy pour attirer l'attention des hommes dans les bars, clubs, etc. Ben, c'est un peu la même chose, oui. OK. Fait que la fille apporterait ça en sachant très bien dans la convention que ça va peut-être faire tourner des têtes. Sûrement qu'il y en a que dans leur tête, c'est ce qu'ils se disent. Okay. Mais je sais pas, par exemple, je vais ramener un sujet qu'on avait fait lors du lorsqu'on avait parlé du Comic-Con. La fille qui est à côté de nous autres au table, je me rappelle plus de son nom. Je sais que Sylvain, toi tu t'en rappelles. Celle qui joue dans Heroes of the North. Ouais, Marie-Claude Bourbonnais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Elle fait par plaisir, mais dans un sens, elle a aussi investi dans son cosplay, on s'entend, pour que ben ça oui, soit sexy. Elle fait pour les deux côtés de la médaille aussi. Tu peux pas te déguiser en cosplay si t'aimes pas ça, mettre des déguisements et te faire de même, dire au départ. Il y a plein de femmes qui s'habillent full sexy dans les bars, mais ils iront jamais se mettre un cosplay parce qu'ils ont pas la passion pour ça, puis ils trouvent ça ridicule. T'sais. Mais pour elle, c'est ça, c'est les deux côtés de la médaille finalement. Ah oui, elle, c'est les deux côtés de la médaille, c'est sûr. Pour un gars, ce serait la même affaire. Le gars, il est bien shapé puis tout le kit. Lui, il va montrer ses atouts, c'est tout. Mm. C'est pas comme un peu un genre de... Parce que ça fait partie un petit peu comme un genre de modeling du cosplay. Parce que partout... Ben oui, c'est du modeling. Les professionnels, les cosplayers professionnels, c'est pour le modeling, nous, surtout. Fait que c'est pour ça que, tu sais, surtout quand tu vas avoir des photoshoots de modeling, surtout, c'est les vêtements toujours un petit peu provocateurs. Fait qu'un petit peu, comme tu dis, même genre de vêtements aussi, ça fait partie du thème ou de l'idée un petit peu du cosplay, peut-être, ou de... Je sais pas, là. Mais tu sais, tu iras pas faire modèle de cosplay si t'aimes pas le cosplay. Ça, c'est comme un... Faut que tu sois moindrement geek, un peu passionné pour pouvoir être modèle là-dedans. Faut pas faire ça pour le fun de le faire. Non, tout à fait, tout à fait, là. Là-dessus, je pense que ça conclut notre podcast de ce soir. Je vais commencer avec Cara. Comment on peut te contacter sur les internets? Donc, pour l'instant, la seule et unique façon de me contacter est sur le forum de acrodesjeux.com. Donc, sous le nom de Cara, vous pouvez m'envoyer un personnage privé, ça va bien. Un message privé, si vous voulez. Ou sinon, vous pouvez laisser des commentaires en dessous des articles que je vais mettre. Vous allez les voir apparaître sur la page d'accueil du site. Arcade Rétro, comment on peut te contacter sur les internets, s'il te plaît? On peut me contacter sur les internets sur Facebook, ou également Arcade Rétro sur Facebook, Arcade Rétro 83 sur YouTube, également sur le forum d'Accro des Jeux. Vous pouvez trouver tous les liens pour justement le Facebook et le YouTube. Et aidez-moi à accéder, à atteindre 250 likes sur Facebook ce mois-ci. Je fais un épisode par semaine jusqu'à temps que mes yeux saignent. C'est prometteur. Antithèse, comment on peut te contacter sur les internets? On peut me contacter par email par le biais de antythes@yahoo.ca ou gmail.com. On peut me suivre également sur Twitter sur antithèse16sayes. La meilleure façon demeure cependant sur le forum des accros sur accrodesjeux.com. Marie-Lune, comment on peut te contacter sur les internets? Il y a 10 000 façons de me contacter sur Internet. La meilleure, c'est par courriel à vlogdemarilune, en un mot, @commercial.gmail.com. On peut me rejoindre via ma page Facebook, qui est Marilune, critique pour accrodesjeux.com. Sinon, sur ma chaîne YouTube, les découvertes de Marilune, comme les 195 personnes qui se sont déjà abonnées. Sinon, il y a Twitter. Mais la meilleure façon, c'est toujours le forum d'accrodesjeux.com. Jug, comment on peut te contacter sur les internets? Vous n'avez qu'à aller sur ma chaîne de Juste un Gamer sur YouTube ou sur ma page Facebook et puis m'envoyer un message privé. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Par courriel, je ne mets pas de courriel parce que je reçois tellement de courriels que je ne sais plus qui m'a envoyé quoi et quand. Fait que je ne check plus ça. Mais vous pouvez aller aussi sur le site d'accrodesjeux.com. Parce qu'on peut avoir des sujets super intéressants. Tester Alpha, de ton côté? Ben, je suis un petit peu partout, donc si vous voulez me contacter par Twitter, par Facebook, sur ma page YouTube, je réponds un peu partout. Vous n'avez qu'à chercher Tester Alpha et en principe, vous devriez me trouver assez facilement. Mais, bien évidemment, je fais mon tour quotidiennement sur le site des Accros des Jeux. De mon côté, il y a plusieurs façons de pouvoir me contacter. Tout d'abord, il y a le site internet des accros des jeux, accrosdesjeux.com. Il y a également le forum que vous pouvez m'envoyer un message. Je fais mon petit tour quasiment à tous les jours sans aucun problème. Il y a également le Facebook des accros des jeux, facebook.com/accrosdesjeux. Il y a également le Twitter des accros des jeux, @commercialaccrosdesjeux. Il y a également mon courriel des accros des jeux, accrosdesjeux@commercialgmail.com. J'ai pas de courriel là, mais j'ai eu un message sur mon Facebook privé. Fait que j'ai décidé de vous le partager. Parce qu'il y a de l'air super sympathique. Le monsieur s'appelle Mako Gifty. Il dit « Salut mon cher, comment vas-tu? J'aime beaucoup votre profil. Suis cadeau, par nommé, et suis à la recherche de l'amitié sincère. Qui va me sortir de cette solitude? Voici mon adresse email. Alors que j'ai décrira en détail vous plus à propos de moi. Alors que vous décrivez plus à vous pour pas moi. Quelqu'un a utilisé Google Translator. J'ai une question importante à discuter avec vous sur ma vie privée et nous envoyons également mes photos. Merci, Miss Cadeau. C'est quoi, après 3 versements de 100 pièces, va donner un talisman de 30 cents de leur amour. Alors, je sais que j'ai reçu beaucoup d'invitations Facebook de la part des fans des accros. Merci beaucoup de vouloir devenir amis avec moi sur Facebook, mais malheureusement, je n'accepte que les gens que j'ai rencontrés. Alors, c'est la raison pourquoi je refuse la plupart des demandes Facebook. Je sais que vous désirez me contacter. Allez-y avec le Facebook des accros. C'est là que je publie la plupart des choses que je publie directement sur mon Facebook. Ou l'autre il y a les deux pages des accros des jeux sur Facebook, c'est moi qui les contrôle. Fait que vous pouvez m'envoyer un message là-dessus, ça va me faire plaisir de pouvoir vous répondre et de vous tenir au courant des dernières nouveautés pour accros des jeux. D'ici là, vendredi, il y a un événement spécial qui se passe sur le site des accros. Je vais laisser Arcade Rétro et Jog en parler parce que c'est quand même leur émission. C'est vendredi. C'est vrai, c'est vendredi. Ouais, c'est supposé vendredi, ouais. Ah, ok, on en parle? Ah oui, allez! Hey, je vous fais de la pub, moi, là. All right. Ben, est-ce que je te laisse l'honneur, Jack? En fait, c'est moi et Arcade qui ont décidé de faire un podcast vidéo bimensuel, c'est ça? Oui. Quand on va avoir du temps, c'est ça. Puis, dans le fond, on va parler de toutes sortes de sujets, comme vendredi, mais on va parler des box art. Ah oui, ça c'est. Écoute, j'ai même hâte de le voir parce que je me souviens plus de ce qu'on a dit. Puis, je suis comme excité parce que. Une affaire que je peux dire, c'est que c'était drôle en tabarnak. C'est juste. C'est prometteur. Ouais, je pense que ouais. Et sinon, soyez avec nous la semaine prochaine, mardi prochain, on va parler de la série Metal Gear Solid. On va avoir beaucoup de fun à jaser d'ici là. Et soyez à l'affût des accros des jeux, parce qu'il y a des nouvelles vidéos qui s'en viennent tout le long de la semaine. C'était le Big Ben. Antithèse. Juste un gamer. Marilyn. Alpha. Arcade Rétro. Et Kara. Pour le podcast des accros, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se revoit bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.